Chrysippe est un philosophe grec du IIIe siècle avant notre ère. Ceux qui nient que le monde ait été créé pour Dieu et pour les hommes, et que les choses d'ici-bas soient gouvernées par la Providence, croient mettre en avant un argument bien fort lorsqu'ils disent « S'il y avait une Providence, le mal n'existerait pas. » Rien, en effet, ajoute-t-il, n'est moins en harmonie avec l'action d'une Providence que ce nombre infini de souffrances et de maux répandus dans ce monde, si, comme on le dit, il a été fait pour l'homme. Chrysippe, en réfutant cette doctrine, dans le quatrième livre de son traité sur la Providence, dit « Rien n'est plus absurde que l'opinion de ces hommes qui croient que le bien peut exister sans le mal. Car le bien étant le contraire du mal, il faut qu'ils existent ensemble, opposés l'un à l'autre, et appuyés, pour ainsi dire, sur leur mutuel contraste. Deux contraires, en effet, ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ainsi, comment pourrions-nous avoir la notion de la justice si l'injustice n'existait pas? En d'autres termes, qu'est-ce que la justice, sinon l'absence de l'injustice? Comment pourrions-nous comprendre le courage si nous lui opposions la lâcheté, la tempérance, sans son contraire, l'intempérance, la prudence, sans l'imprudence? Pourquoi, ajoute Chrysippe, ces hommes insensés ne désiraient-ils pas aussi que la vérité existe sans le mensonge? Car ici-bas, le bien et le mal, le bonheur et le malheur, la douleur et le plaisir sont inséparables. L'un et l'autre, comme le dit Platon, sont liés étroitement par des extrémités contraires. On ne peut détruire l'un sans détruire en même temps l'autre. Le destin est l'enchaînement naturel de toutes choses dérivant éternellement les unes des autres et se succédant d'après un ordre toujours invariable dans l'immensité du temps. Mais les chefs des autres écoles reprennent cette définition. Si Chrysippe, disent-ils, pense que tout est mu et régi par le destin, et qu'on ne peut se dérober à son action, ni déranger son cours, on ne doit plus voir et punir avec indignation les fautes et les délits. On ne peut plus rendre l'homme responsable de ses actes, qu'il faut dès lors attribuer à l'impulsion irrésistible, à la puissance du destin, qui devient ainsi l'arbitre et la cause de tous les événements. Les châtiments infligés par les lois aux coupables sont iniques si les hommes ne commettent pas de fautes librement, s'ils sont poussés au crime par le destin. Chrysippe répond à cette objection avec finesse et subtilité et se sert d'une comparaison qui ne manque ni d'à-propos ni d'esprit. Si vous lancez, dit-il, une pierre de forme cylindrique sur un plan fortement incliné, vous communiquerez à la pierre son mouvement, son impulsion. Bientôt, cependant, la pierre roule avec rapidité. Elle n'obéit plus à votre main, mais à sa forme et à sa volubilité. Ainsi, l'ordre, la loi, la nécessité du destin mettent en mouvement les causes et les principes de toutes choses. Mais la volonté, les affections particulières de l'âme modèrent l'impétuosité de nos projets, de nos esprits et président à nos actions. Chrysippe ajoute: sachez que les hommes ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, de leurs maux. C'est pourquoi, reprend ce philosophe, n'écoutez pas ces hommes pervers, lâches et criminels, qui, convaincus de fautes et de crimes, se réfugient dans la fatalité comme dans un asile sacré et soutiennent qu'il faut attribuer leurs mauvaises actions, non à une erreur volontaire de leur part, mais au destin. Le plus ancien et le plus sage des poètes exprime le premier cette pensée dans les vers suivants. Et quoi? Les mortels accusent les dieux? C'est nous, disent-ils, qui leur envoyons les maux. Que ne s'accusent-ils eux-mêmes, car ils sont les victimes de leur propre folie?